simple, déroutant, totalement paumé. Voici également Guillaume Auguet. Ça va les amigos? Oui. Et vous me connaissez, moi c'est tout pour la culture. Tout. Roselyne Bachelot, c'est ma gossure, c'est la marraine de mes deux abonnements YouPorn. Vraiment, quand on se croise, on se check pied-point. Parfois ça part en bisous esquimo. Non, vraiment, c'est ma vie la culture. Et je voudrais profiter de la présence de Florian Zeller pour évoquer une autre œuvre exceptionnelle qui parle également de la figure du père. C'est signé par l'auteur belgo-guatémaltèque Ernesto Ruiz à la plancha, qui a gagné le prestigieux texte d'argent au festival Humour et Fromage à Pas-de-Molle. Le spectacle est formidable, ça s'appelle Au Suivant, et ça commence le 14 juin au Théâtre de l'Œuvre. Et je sais ce que vous allez dire, vous allez me dire, Ernesto, fils de la grossesse nerveuse, est-ce que tu serais pas par hasard en train de parler de ton propre spectacle comme un sale fils de putsch? Eh bien absolument. Fils de putsch. Mais il faut comprendre, moi j'angoisse que ça remplisse pas, qu'en voyant la salle à moitié remplie, les gens fassent « Ah, mesure Covid », et que je fasse « Non, manque de succès ». Vraiment, je suis obligé de ruser pour faire ma promo. Il y a des gens qui ont le droit d'être invités tout le temps ici. Genre Riyad Satouf, parfois il fait le pont entre deux émissions, il dort dans la cage d'escalier, j'ai trébuché 6 fois sur lui cette année. Mais les humoristes maison, c'est non, je serai jamais invité à la bande originale, alors que c'est mon rêve. C'est vrai, en général, les gens viennent ici dans cette émission avec des pieds de plomb. Florian Zeller, je l'ai entendu dire à son attaché de presse, je préférais être en direct de la pitié salpêtrière en réanimation. On sent qu'il aimerait être ailleurs. Mais moi, je serais heureux d'être là. Tout ce que je demanderais en tant qu'invité, c'est qu'en loge, on me masse. C'est tout. Si possible, Nicolas Demorand et Léa Salamé, vu qu'à ce temps-là, ils n'ont plus rien à foutre, ces branleurs. J'écouterai le blind test en leur faisant plutonique. C'est tout, le blind test. Parlons-en, vu que le spectacle s'appelle Au Suivant, Nagui aurait choisi le thème de l'eau. Ah, il est créatif, le patron. Ah bah oui, Daniel gagnerait en trouvant Eddie Mitchell couleur mentalo. Ah bah forcément, quand c'est de la variété française, Morin il dégaine. Hein. Je rappelle qu'il a quand même été sosie non officiel de Michel Delpech pendant longtemps. Ah, il y a des gars là où tu ne savais pas dire qui était qui. C'est vrai. Là, ce serait l'heure d'arriver dans l'émission où je débarquerais sans masque façon Edouard Baird. Hein, l'air de dire je respecte personne. Ouais. Morgane Cadignan serait terrorisée, elle se lancerait fébrilement en faisant Ernesto Ruiz à la plancha, je ne vous aime pas. Là, je prendrais la mouche, quitterais le studio immédiatement. Nagui me courrait après, mais comme il a des petites jambes, ça prendrait longtemps avant qu'il me rattrape. Arrivé à République, il me ferait revenez Ernesto, c'est un malentendu. Morgane vous adore, on vous adore tous. Là, je dirais très bien, si vous m'adorez tous, tant que ça, donnez-moi 1000 euros. Nagui sera embêté en mode imaginez que 800 euros sur moi, j'ai pas eu le temps de passer au distributeur ce matin. Je vous donne 800 euros, un chèque cadeau d'Arty et un duo de votre dans ta ratata, je dirais deal. Moi je veux chanter avec tonton David, ah, ça va être complexe, je ne veux pas le savoir. Voilà, donc là je reviendrai dans l'émission. Entre temps, Leïla aurait assuré l'intérim pendant 20 minutes en parlant d'une petite expo de peinture sur Organ Vito. Très bien, un truc très sympa. Et Nagui, soulagé, me poserait enfin sa première question. Bon, à la fin de la question, il serait l'heure d'accueillir le spécialiste, évidemment, le professeur Diego Noré, expert en MST. Diego Noré, ouais. Ah, si j'étais invité, j'en ferais plein des jeux de mots. Ah oui, on s'ennuierait pas une seconde. Bien compris. Diego Noré, allez, on arrivera aux infos de midi. Nagui reprendrait l'antenne à Laetitia Gaillet en disant qu'elle serait de retour à 13h pour le journal de 13h. Et je dirais qu'on m'appelle la direction parce que je crois qu'ils sont pas au courant de cette coutume à la direction. Enfin, en tout cas, j'espère quoi. Vraiment, là, l'émission redémarrait avec Tanguy Pasturo. Et sa première blague de droite, je crierais fasciste, non pas Saran. Et je chanterais Bella Ciao pendant toute son intervention. Hein, on passerait aux questions culture de Leïla. Ouais. Je répondrai à tout. Pourquoi? Parce que j'aurais fait chanter le rédac chef de l'émission en lui disant si tu me donnes pas toutes les réponses à l'avance, je révèle à toute la France que tu changes jamais de pull. Voilà. Et ce serait enfin l'heure de la chronique de Daniel Morin. Et vous savez quoi? Eh ben, je rirais de bon cœur à ses excuses aussi. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, ben, je vous kiffe, bande de culs. Nous aussi, merci Guillaume. Et Guy, on te retrouve donc au Théâtre de l'Œuvre le 14 juin pour ton spectacle Au Suivant. Il faut y aller en masse. Théâtre de l'Œuvre, 14 juin, Guillermo Guy. On ira tous.